Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 1, colonne 3. Revue canadienne. À partir d'aujourd'hui, nos lecteurs trouveront, chaque semaine, sous ce titre, une revue rapide des faits politiques de la semaine pour le Canada. Cette semaine, après les engueulades et les débauches de plumes qui s'accentuent de plus en plus dans les journaux de tous les partis à l'adresse des hommes politiques, le fait le plus remarquable de la huitaine est sans contredit l'assemblée qui a eu lieu jeudi dernier, 6 septembre, à Saint-Laurent, dans le comté de Jacques-Cartier. Là, 7 à 8 000 personnes étaient réunies, et parmi cette foule se trouvait l'élite de nos hommes politiques de tous les partis. De magnifiques discours ont été faits. Quel a été le résultat de cette grande réunion populaire? Nous ne pouvons guère le dire, chaque journal commente à sa manière ce fait politique qui a eu un grand retentissement d'un bout de la province à l'autre. Nous pourrons juger en connaissance de cause le 19 courant, jour où aura lieu la nomination, et mieux encore le 26, où les électeurs de Jacques-Cartier seront appelés à voter. Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que l'honorable secrétaire d'État a admirablement mesuré la situation en terminant son long et beau discours en faveur de M. Mousseau. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-commercial, share alike, et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.